l'agonie, chapitre 23. C'était dans la petite maison des Carènes, où, grâce au paisible isolement de l'île, rien ne se percevait du dehors. Ni les bruits de Rome, ni les rumeurs du mariage de la lune et du soleil, dont la cérémonie se continuait depuis des jours, ni le délire d'une populace accourant aux portes pour voir s'en aller les étrangers décisivement. Le portier dormait dans sa loge. Les esclaves, muets et lents, erraient. Le singe regardait le crocodile du bassin. Le paon magique faisait rayonner sa queue en demi-disque et les arbres du jardin oscillaient doucement avec des murmures attendris coulant dans la maison du vestibule au péristyle. Des mois s'étaient écoulés depuis que Gaël avait pénétré là. On frappa. Le portier s'éveilla. Un homme attendait dans la rue qui n'osait se présenter à la maison d'Attilius. À son aspect, le portier se recula. Il ne connaissait pas le quidam, qui, rougeant, les cheveux crépelés, le sayon simple de l'artisan, lui faisait résolument « Janitor, je viens te demander Madé, affranchi du puissant Attilius, et mon frère du pays de Syrie, qui nous a vus enfants tous deux. » Le portier ne répondait pas, n'osant même ouvrir la bouche et moins encore fermer la porte à Gaël, duquel, maintenant, il se souvenait. Ce qui lui répugnait, c'était sa mise humble de travailleur, jurant avec les magnificences de la maison qu'il gardait, avec les costumes éclatants d'Attilius et de Madé. Et il restait perplexe, se disant que renvoyer cet homme, si bien avec Madé, pouvait lui coûter, et le recevoir s'attirait des ennuis. Il se décida cependant. « L'affranchi Madé est avec mon maître Attilius. » Et il salua. « Qui est le tien ? » ?»« Qui est celui de Rome, après sa divinité l'empereur ?» Quant à le voir, cette affaire épineuse. Sais-tu que l'affranchi Madé habite depuis longtemps le Palatin et qu'il ne vient jamais ici, jamais ? Tu mens, Janitor !» cria Gaël, ne pouvant croire à cette absence du frère de Syrie. « Il habite ici, et si je ne suis pas venu plus tôt, c'est que je craignais l'incommoder. Mais je veux le voir, il ne m'a pas oublié, et s'il est vrai qu'il ne veuille plus de moi, eh bien, je le saurai, il me le dira. » Et il rentra d'un bond, pendant que le portier hésitait à le faire jeter dehors. Le singe glapit, le paon rayonna, le crocodile souleva sa tête hors du bassin et regarda longuement le Syrien, comme s'il lui reconnaissait un visage ami. Gaël attendit patiemment Madé. Le portier avait menti, se disait-il, en voulant lui faire accroire qu'il ne revenait plus. Et, revoyant cet atrium, témoin de ses effusions d'âme avec son frère de Syrie, ses murailles peintes, ce bout de jardin qui trépidait doucement, et ses ouvertures de cubiculas discrètes par lesquelles passaient des têtes d'esclaves curieux qui le fixaient, il était pris d'une grande émotion. Madé lui revenait. Fin et gracile, la voix vibrante, le corps aux ondulations suspectes, ne lui déplaisant pas cependant. Pourquoi Gaël ressentait-il ainsi pour lui cet entraînement inexplicable? C'est que le pays ensoleillé chantait en son souvenir, et aussi chantaient les jeunes années écoulées là-bas. Brusquement arrêté dans la tourmente d'une révolution de cité syrienne qui le jeta dans un camp de révoltés pendant que Madé était rendu esclave à Attilius. Cette persistance du jeune âge avait figé en lui l'image de l'ami, au point que, malgré les jours écoulés, la seule vue de Madé suffit pour le reconnaître. Chose douloureuse, quoiqu'aucune jalousie ne l'atteignit en voyant les opulences calmes de cet intérieur de maison, les années de leur séparation lui mordaient le cœur en apparitions noires de pauvretés et de souffrances, d'heures vécues à se défendre en des paysages troués de soldats romains, féroces pour les révoltés, d'heures de combats d'un contre dix, d'incendies de villes et de temples, de subites victoires en des régions soulevées contre les maîtres du monde et de défaites achevées en extermination. Et lui avait souffert tout cela pendant que Madé, plus jeune, choyée et bien vêtue, mangeant et dormant à son aise, vouée au soleil, donnée à Attilius, vécut d'heureuses années à Émesse dans un palais de marbre et d'or. Certes, si Chrystos n'eût prêché la grâce et le renoncement aux joies, combien il se serait exclamé, Gaël, contre l'injuste destinée. Cependant, Madé n'arrivait plus. Énervé, il revint vers le portier qui lui fit « Je te l'ai dit, tu as voulu me servir de l'entêtement, je te sers de la patience. Attends la franchie, tu attendras longtemps. » Il ne le croyait pas. Il ne pouvait s'imaginer que Madé ne revenait plus dans cette maison si paisible. Pour résider, il ne savait tout, à moins que ce fût au palais des Césars. Et il le demanda au portier. « Justement, tu l'as dit, c'est au palais des Césars qu'il habite. » Mais il ne voulait se laisser persuader. Quelque chose lui criait que Madé allait revenir. Alors, le portier le laissant libre, les esclaves ne le jetant pas à la porte, il pénétra au péristyle, où des appartements avaient des portes de chêne sculptées de phallus. Autour de lui, des pas errés, des pas d'esclaves effarés qui le suivaient, ne voulant ni l'empêcher d'aller de l'avant, ni le laisser courir trop à l'aise. Somptueuse et triste à la fois, cette maison. De grands vases languissant en des encoignures, des trépieds anglais de poitrines de chimères brûlant de parfums. Dans une chambre isolée, un sigma au coussin pourpre et des placards de bronze renfermant des rouleaux écrits. D'autres chambres, aux murailles desquelles des plats de terre cuite délicieusement ornés. Des tapis aux dessins de bêtes fantastiques, des crocodiles avalant des sauterelles gigantesques et des végétations mordant des ciels vert bleu. Et des étoffes de soie argentée tombant des plafonds, remuant avec peine au souffle du dehors, donnant des sensations de morbidesse et d'intime vie mystique aux troubles secrets. Et des faisceaux d'armes asiatiques, toutes d'or, et des idoles grimaçantes, venues de plus loin que la Syrie, de plus loin que les pays jadis conquis par Alexandre le Grand, où les hommes, jaunes, ont les yeux bridés et la parole tintinabulante comme les clochettes des troupeaux. Gaël se trouvait devant une porte circulaire sur laquelle un horarium espaçait ses chiffres, et il se rappelait avoir vu cela jadis dans quelque ville dont le nom ne lui revenait pas. Elle s'ouvrit sur une pression de sa main. Il était dans un temple étroit, au plafond en coupole, terminé au sommet par une ouverture ronde d'où le ciel bleu, immuable, crevé, avec des colonnettes en autel, supportant sur un pied douche de pierrerie un cône noir luisant. Sur des entablements, des statuettes de dieux égyptiens et phéniciens, des peintures du thé symbolique, des brasiers d'encens fumant, un feu qui ne s'éteignait jamais en un trépied gardé par une vesta hiératique, et une grande image de Christos, mais de Christos dissemblable de celui qu'adorait Gaël, avec des cheveux noirs, une peau noire, des yeux noirs comme un indien du Gange, les bras noirs étendus à la branche noire d'un thé saignant sur un fond de ciel noir étoilé. Gaël se troubla, lui qui n'avait conçu le Christos, personnification de la race blanche victorieuse, que blanc et pâle. Et il allait s'en retourner quand un grand bruit éclata au dehors. Une voix, la voix d'Athélius, s'écriait « Saisissez-le, jetez-le au crocodile, il a tout souillé, il a pollué ma maison !» Ces menaces le visaient sans doute, car aussitôt Attilius, implacable, faisait signe à des esclaves qui accouraient de se saisir de lui. Mais survenait Madée, qui, voyant le danger, sans rien comprendre à la présence de Gaël, se jetait dans ses bras, suppliant. « C'est mon ami, mon frère du pays syrien, sais-tu, celui-là même que tu m'as permis de revoir, c'est Gaël, Gaël !» Alors Attilius s'apaisa, non sans jeter un regard aigu sur les deux amis. Et ce regard, comme à regret, se posa sur Madée, en une jalousie inexprimable, poignant ce cœur extraordinaire. En une mortelle hésitation, à peine la franchit, ou à le laisser à cette amitié qui le sollicitait. Mais les beaux yeux de Madée avaient une telle expression de soumission et d'amour qu'il n'en put. Et, lui prenant doucement une main, la portant à ses lèvres, en baisant le dessus poli, et, en fleurant, il lui fit « Va, si j'avais su que ce fût cet homme, ton frère du pays syrien, je l'eusse laissé tranquille. Cause en paix avec lui. » Il les laissa s'évader pendant que lui-même rentrait dans ses appartements. Non sans, se retournant à plusieurs reprises, les voir amicalement s'enfoncer vers l'atrium. Assis sur le bisélium de bronze, il causait au bruit du clapissement du singe, regardant tour à tour le paon rayonnant et le crocodile pâmé. Gaël se plaignait de ce que Madée n'avait pas tenté le revoir, comme il le lui avait promis. « Voilà 8 longs mois, dit-il, et la lune a apparu 8 fois depuis. Je t'ai attendu, n'osant venir ici. Une fois je t'ai vu et appelé, et tu ne m'as ni aperçu ni entendu. Il est vrai que dans le tumulte, il était impossible de songer à moi. » Il lui parla de la cérémonie du temple du soleil, où, caracolant aux côtés de la famille impériale, il souriait à une jeune fille, et, certes, oubliant qu'à 2 pas de lui, le frère Gaël se fatiguait à l'appeler. Madée se troubla. Oui, j'étais beau et joyeux, et elle était belle, bien belle, Attilia. Il s'arrêta, pris du malaise d'avoir trop dit. Gaël resta stupéfait. « Est-ce que cela t'a navré? Je ne t'en parlerai plus. Mais j'ai bien le droit de demander ce que tu as fait durant ces 8 mois qui m'ont privé de toi. Vois-tu, chaque jour, je songeais à mon frère Madée, qui ne pensait pas à son frère Gaël, lui. Pourquoi ?» Inexplicablement, Madée se faisait muet. Enfin, lentement, une secrète douleur en ses paroles. Est-ce que j'y pouvais songer, moi qui les ai vécus, ces mois, avec Attilius, qui m'aime trop pour me laisser libre, et Attilia, qui m'exaspère, et dans ce palais où l'esprit ne peut rechercher à l'aise l'esprit? Gaël eut le cœur serré. Madée lui paraissait comme frappée d'un mal caché, qui, quoique discrètement, rongeait ses chairs, agrandissait ses yeux, mettait des méplats à sa face tiraillée de plis légers, rendait sa voix plus aiguë, alourdissait ses mouvements, si rythmiques jadis. Une lumière terrible monta en Gaël. Il te tue, Attilius, il te tue. Ah, malheur, abomination. Et ces chastetés de chrétiens se révoltaient pour m'aider assujettis à Attilius. Christos lui émergea comme l'unique remède à son mal, car Christos, c'était la réaction de la nature violentée, revenue à la perfection par la répudiation de la bête et du péché. Et il allait le lui dire quand Madée s'exalta. Oh, vois-tu, je m'ennuie à Rome dans le bruit, les triomphes, les festins, et il s'ennuie aussi, lui, et nous nous énervons à vivre ainsi, et mon cœur se fond loin de la liberté et de la quiétude, et je sens bien que je ne suis plus le même. Je me dis que cette expérience ne peut durer longtemps dans le vide épars, car j'ai besoin de quelque chose qui ne vienne pas de lui et corresponde à des ardeurs dont je cherche le fil inconnu. Je te dirai cela un jour qu'une clarté sera en mon esprit qui est dans de l'ombre, comme si je n'étais pas un prêtre du soleil, de la lumière et de la vie. Gaël le laissa dire longtemps, cherchant la plaie et ne la découvrant pas, tant Madée s'enfonçait désespérément en une mysticité d'âme endolorie. Il comprit cependant que, lassé, il souffrait obscurément par Attilius et Attilia, que se levait en lui, inattendu et sans qu'il en eût la vision nette, comme en un état de somnambulisme, un sentiment d'homme, une virilité se révoltant peu à peu de la suggestion du corps. Un grand besoin de redresser la nature, poussant, à un plan atrophié, des pleurs monstrueuses. Et comme Gaël, consolateur, lui montrait sa vie, à lui, de privations et de douleurs, qui, pour n'être pas d'âme, n'en était pas moins dur, il répondit, avec des étreintes coupées de sanglots, dans une sorte de prophétisation. « Ah, frère, vivre loin de Rome, loin des cités, libre, libre comme toi. Qu'importe les privations, j'ai tout et je m'ennuie et me désespère et voudrais mourir, ne pouvant respirer aisément. Vois-tu, le monde souffre, tout me le dit, de trop de joie, de plaisir, de parfum, de musique, de volupté. Le Dieu primordial se venge, lui qui plane immuable dans le néant, d'où nous n'aurions jamais dû sortir. Mon mal et le mal du monde, sais-tu,